Albert Loïc par Lucien Méronin. C'est une petite maison que l'on dirait oubliée, blanche, percée de fenêtres aux volets bleus, coiffée d'ardoises et d'une cheminée. Si petite que personne ne semble la voir. Quand elle s'ennuie, elle nous regarde passer, elle compte les voitures, les nuages, surveille les maraudeurs. Si petite et si seule, séparée du monde par une douve et un talus. Elle était déjà là, numéro 16. Lorsque M. Vanier s'est installé plus bas, il y a 10 ans, elle était là depuis longtemps, aurait-il pu penser, aussi longtemps que les grands arbres qui la dominent. Entre elle et le village s'étend une éternité de campagne triste, et à peu près la même distance entre elle et M. Vanier, le locataire du 18. Un jardin l'accompagne, étroit, tout en longueur, sans ordre, fait de fleurs et de foin, d'orties et de chardons, de pommiers aux branches débordantes qui offrent aux enfants des fruits rabougris. Un jardin d'aventure, posé en franges de couleurs parfumées, rehaussant le gris bleu de la route, comme un repère de beauté dans la banalité du paysage, comme un miracle. Quand il va au village, M. Vanier s'arrête devant la maison. Il sait qu'il est à mi-chemin. Il la regarde, l'admire et l'envie. Au-dessus de la porte, une plaque est fixée sur laquelle sont inscrits deux prénoms Albert Loïc, le prénom féminin au-dessus du prénom masculin. Il n'y a pas de conjonction entre eux. Pas de liseré autour, pas de chichi, rien que ces deux prénoms. Une plaque blanche, nue, en communion d'humilité. Les volets s'ouvrent à heure fixe, puis la porte. Une vieille dame s'installe sur une chaise et tricote ses doigts. Il la salue, échange quelques mots avec elle. Oui, c'est une bien belle journée, mais quelle chaleur. Il pense qu'elle s'appelle Albert, mais cela ne se demande pas. Qu'elle a beaucoup aimé Loïc, aujourd'hui disparu, et que c'est lui, Loïc, qui a eu l'idée de la plaque. De la galanterie du prénom dominant, d'un départ avancé afin de préparer le prochain voyage. Un homme plein de sagesse, Loïc. Assise devant sa porte, Albert, si petite et si seule, semble attendre le retour de Loïc. S'il était venu quelques années plus tôt, M. Vanier les aurait vus, assis au même endroit. Lui, légèrement en retrait, car la porte est étroite. Il les aurait salués. Que de pluie cette année, que de pluie. Mais c'est bon pour les jardins. Le premier printemps, il s'en souvient, une rose avait surgi du talus au milieu des mauvaises herbes, une seule rose, qu'il reverra ensuite chaque année à la même saison. Il se fera violence pour ne pas l'accueillir. M. Vanier pense que les journées d'Albert doivent avoir la longueur de l'éternité qui sépare sa maison du village. À l'aller, il siffle une chanson de Jacques Brel, qui autrefois le faisait pleurer. Au retour, une autre de Charles Trenet, qui le mettait en joie. Parfois, il retourne au village, sur le coup des 5 heures, juste pour s'assurer que la maison est toujours là. Peut-être aussi, mais il n'en a pas conscience, pour être un instant de récréation dans l'infini des journées d'Albert. Puis les volets ne se sont plus ouverts à heure fixe. À l'arrivée des beaux jours, Albert était encore assise, non plus devant la porte, mais en retrait, comme Loïc. De mois en mois, il lui semble que la chaise recule vers l'intérieur, à l'ouest, et il ne peut s'empêcher de faire une comparaison avec la fuite du soleil. Oui, Albert diminue, bat en retraite, disparaît peu à peu dans l'ombre de la maison. Qu'importe le bon ou le mauvais temps, Albert n'a plus de saison. Maintenant, une voiture blanche s'arrête le matin devant le 16, une rouge l'après-midi. La voix d'une femme énergique parvient jusqu'à lui. « Il faut vous forcer à manger, Madame Aubert. »« Tiens, elle s'appelle Aubert. » Dans le jardin, il n'y a plus guère que le rose et le blanc des pommiers pour combattre encore l'invasion du vert, une haute et brève résistance de floraison. Ce matin, M. Vanier est allé au village acheter son pain. La porte du 16 était ouverte et cela faisait une tache noire sur le blanc de la façade. Un coucher de soleil sans soleil. Albert a disparu. Les volets bleus sont clos. Ce soir, M. Vanier rentre du village. Il siffle la chanson de Jacques Brel, presse le pas, baisse la tête. Il ne veut plus regarder la maison, si petite et si seule. Il sait que dorénavant le chemin sera plus long d'une autre éternité de silence car les petites maisons vides agrandissent l'espace. Il baisse la tête et il voit qu'au bord de la route, là, tout près, sur le talus du 16, une deuxième rose vient d'éclore. Une rose pour Alberte.